tirant les ficelles. Maintenant, je sais, c'était un jeu. Pour toi, le drôle de pantin, c'était moi. Adios, Ichinela, pauvre pantin de mes amours. Adios, Ichinela, tendre copain de mes mauvais jours. Adios, Ichinela, et sans regret et sans discours. Adios, Ichinela, dans ses aveux. Les départs sans retour. Adios, Pichinela. Dans leur vie, pour mieux faire eux aussi.

Et ça, dans tous les balus, dans les danses et toutes les guinguettes. Lorsque l'accordéon fit vibrer sa musique, les couples dansent et chantent ce refrain magique. C'est la fiesta, mais surtout n'hésitez pas, sans plus attendre, laissez guider vos pas. Et d'une arme à l'Espagne, d'une matador, d'un livre d'une femme, on s'en est cassé, n'y a-t-il que si la goût, nous font perdre la tête. C'est la fiesta, aujourd'hui c'est la fête, tout le monde en place pour la fiesta, misère. Oh! Carnaval à Séville et la fiesta laissent la place à Coucou et Espagnacani. We'll be right back.

n'est que passé. Mais je suis sans défense et mon cœur a flanché car je t'aime en silence. Voudrais-tu m'accorder simplement une danse? Ce serait là ma chance. Je ne fais que passer. Ce n'est qu'un refrain d'amour, un refrain d'espoir, que te chante un troubadour en rêvant le soir. La la la la la la la. Je ne fais que passer. Petite interlude avec deux petits morceaux italiens. Ali azzurre e amore mio non piangere. Amami senza limiti, l'occasione per noi è importante, il cuore mio non mente. Ferma lì questi attimi, resteranno domani e per sempre dentro di noi. Se vuoi, credimi, può succedere si innamorano. Qualche storia poco importante, inutile, e all'improvviso tu nel mio cielo. Ali azzurre per volare, per volare. come fosse niente. Libera quelle nuvole che han lasciato cadere su te pioggia e dolore, lo sai. Dimmelo che vuoi credere, che anche tu vuoi puntare su noi, sul nostro amore. Io e te ricominciamo a vivere da questo punto in poi in un altro cielo. Ali azzurre per volare, per volare insieme a te. Cominciamo a vivere da questo punto in poi in un altro cielo. Sono più mondina, sono ritornata a casa a far la signorina. Thank you. Nicolas Bonfils, La Boudeuse et La Fiesta Brava. Quel changement, pourquoi bouder sans cesse? Ce ne sont plus les amours d'autrefois. Tu me rendais caresse sur caresse, et maintenant tu me laisses aux abois. Tu ne dis plus ce joli mot je t'aime que si souvent, chérie, tu me disais. Oh, réponds-moi si tu m'aimes. Oh, oh réponds-moi, mais dis-moi que t'ai-je fait. Tu ne sors plus le soir en promenade, prendre le frais assis sur le gazon. Fais semblant d'être toujours malade. Dis-moi pourquoi rester à la maison. Tu ne mets plus de soin dans tes toilettes et tu n'as plus cet air si gracieux. Souris quand tu me vois, tu me tournes la tête en même temps que tes jolis grands yeux. N'aurais-tu pas certaines maladies qui désunissent les hommes si souvent? Trop bien connu du monde de jalousie, rappelle-toi les mots de tes serments. Ne bois du pas, mon front se décolore. Un doux baiser me ramène vers toi. Je l'ai juré et je le jure encore. Qu'après mon Dieu, je n'aimerai que toi. Qu'après mon Dieu, je n'aimerai que toi. Oui, qu'après mon Dieu, je n'aimerai que toi. Maria, La Java et la marche du Forez, eh bien, c'est tout simplement la suite de ce programme. Et c'est la Java. Le chimie n'est pas en biche, la scottiche et tout ce qui s'ensuit. C'est la Java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon gilot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues flaquettes et ton bout de mégot. Ouais. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Entre Lyonnais, Lyonnais et Livradois, mais nous on a le cœur plein de joie. Quand l'été arrive chez nous, la potée et la soupe aux choux, ils sont tous au fait du pays, de Montbrison à Firminy. Et pour mettre de l'ambiance, il y a Nicolas, c'est le roi de la danse, du folklore auvergnat. Dans son petit village, sa Marseille en forêt, une donnant partage son temps long et sa joie. En avant, les gars du Forez, c'est un peu notre Marseillaise. Et élégantes, nos rues s'animent aux accents des flanflans. Les filles se dandinent en cherchant les garçons. Les petites de forêt au bal l'emmèneront. De rien mais pour leur plaire qu'un air d'accordéon. La palomba ou la paloma et la samba amore. Messieurs, dames, en piste pour danser le tango. Ma mère nous chantait quand j'étais enfant. L'histoire d'un bateau perdu et d'un oiseau blanc. Un jour, le bateau s'en va droit vers l'océan. Et c'est le cœur plein d'amour, une fille attend. Le marin lui a dit, n'oublie pas, je t'aime. L'hiver et le printemps, elle attend quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser. Elle aime qui porte quelques mots au creux de son aile. La paloma, adieu, adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. Thank you. Alors messieurs dames, je vais vous demander de vous lâcher et de monter les mains bien bien haut et de taper très fort dans les mains. Encore plus fort. Ce soir, je vais vous présenter les musiciens de l'orchestre qui m'accompagnent. Je voudrais applaudir, que vous puissiez applaudir, le clavier. Christophe ! Allez, on peut l'applaudir très très fort. Le guitariste ! On peut l'applaudir. Nono ! Noël ! On peut l'applaudir très fort. Et bien sûr, le chouchou de Sidam, avec son saxo, on peut l'applaudir très fort, Olivier. Et celui qui fait beaucoup de bruit, on peut l'applaudir très fort, Michel. Allez Michel, c'est à toi. Le public t'acclame ce soir. Pour les musiciens, bip bip. Bip bip bip. C'est avec grand plaisir que ce soir nous sommes en direct de bon son dans la Loire. Et nous remercions bien sûr monsieur le maire de nous avoir accueillis dans cette si belle salle. Allez, c'est parti, la samba! Et bien sûr, le chef d'orchestre ce soir. Je veux vous l'entendre applaudir très très très fort. Nicolas, le passionné du musette. Merci. On termine dimanche musette avec le brise-pied. Thank you. Et on repart tout de suite dans la chanson populaire. Et oui, populaire, puisque nous allons faire un petit tour en Corse, une vingtaine de minutes avec Canta u Populo Corso. Et oui, on va passer quelques minutes en Corse avec Ucciata et Amico ci si tu. Messaggera, chi per te l'angoia io, la vera sala corre si cante. Stende l'uolo furlò patria al cuor, svanisce la dimenticanza, cresce la nostra volontà. Buonasera a tutti. Giovanni Nigori, Domenico Ribello e tanti altri resistenti corsi che con la sua azione sono diventati stantari. E come se vedre di nostra memoria ci insegnano la strada in questi tempi dolorosi. In omaggio alla nostra tradizione e a quelli che l'hanno portata, continuiamo a fare di un nostro canto un atto di resistenza. Amico, ci sei tu. Amico, ci sei tu che ci porti la mano quando il vento gira in un cielo isolano. Quando io senso spira in un gerbelo umano, amico, ci sei tu. Amico, ci sei tu che ci porti pensiero. Quando un morso stringe di vero forestiero, quando lotti in nera dal vento a dispero, amico, ci sei tu. Ci sei tu che copri l'olore quando arrosta iala un fuoco di l'amore, quando avvede gala in cuore tra i dolori, amico, ci sei tu. Amico, ci sei tu che ci dai serenza quando la vita cagna ci tomba fratellenza, quando la terra cara si sfuma in la partenza, amico, ci sei tu. Dietti lo mandile quando il tempo viene d'un essere più gentile, quando la viene l'ora d'un essere più civile, amico, ci sei tu. Amico, ci sei tu. sint inédits et in memoria, c'est toujours les chants corses. Mare latino, ho una mani porsi all'imperia di venti, un sogno maledetto d'eterno scarpino, ho una chiama antica che più di me non senti, che più di me non senti. Dari oggi chi fu la grande allora, e divisi di pietra chi dissi di noi, e da subito a strada con sola suona, e l'idea da un punto di principio. Che pensi in tempi d'ancora fa, che li vici dall'ottura con più dare ti soffrano, pure in alcun modo e nerati di già, guardiani vetrati di un ricordo umano, di un ricordo umano. Cari l'abbraccio primo si è insuidente, e li sapienti arcani con i soganti mesi, e ciò più le storie di nidi di credi, dalla cittadella che a memoria Et on reprend tout de suite avec Bernard Lavillier. Bernard Lavillier qui va nous chanter « Elle chante ». Et c'est de la part, eh bien, tout simplement, de Françoise, de Chanfromier, pour toute l'équipe de Sorgia FM. Merci Françoise, toujours à l'écoute, toujours fidèle, avec tous nos baisers. Chante un peu voilée, souple comme le vent. C'est une mélodie sans paroles hors du temps. Elle chante les yeux fermés, en fléchissant le cou, plongée dans un pays très éloigné de vous. T'as canté, t'as pensé à la terre. Sum tafcha hoy, e panula, es distancia. Na voz minha saudade, tá levar-nos humanidade. Pra todo povo sofredor, pra toda gente que crê amor. Mas d'où lui vient cette infinie douceur, cette sensualité mélangé de pudeur, ses belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie la mort, on s'en va. Elle chante la terre rouge, la sèche, la stérile. Elle chante les hommes proscrits, les centaines dans les villes, les jeunes filles en noir et tous les enfants dans les rues, les longues années sans pluie et ceux qu'on n'a jamais revus. Es doçura et en forme de lutar contra a dureza de uma vida magoada. Tristeza da pra festa, não tá lembrar pra limpar nos dor. Nos alma e coração, pra afugentar toda maldição. Mas d'où lui vient cette infinie douceur, cette sensualité mélangé de pudeur, ses belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie la mort, on s'en va. Ta canta, ta pensa na minha terra. Sun taf tchao e panula es distancia. Sa voix qui était fluide d'abord se brise et se renforce. Elle est la vie, la mort, la fragilité et la force. Elle est la vie, la mort, la fragilité et la force. État des lieux. Eh oui, état des lieux, c'est toujours l'ami Bernard Lavillier avec Guitar Song. Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? De matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rue

Bernard, toujours et encore. J'ai oublié de vous le dire, c'est un Stéphanois, Bernard. Hein. Bernard Lavillier, oui, c'est un Stéphanois. Hein. Sacré caractère, ce mec. Hein. Avec l'été et les silences. Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe princesse de la rue. Élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit. Malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Semble vide, vide et désespéré. Un été sans sommeil jusqu'à la déchirure. Le ciel noir et la mer à jamais confondus. Je pourrais dessiner toute ta chevelure. Papillons bleus et noirs de tes mèches tordues. Mais la foudre est tombée, j'en garde la brûlure. Et ce poignard de nacre dans la plaie qui me tue. Tes lèvres entr'ouvertes et puis cette blessure. Où l'amour et la mort se mêlent, Sonia d'or. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré. Je suis comme je suis, malheur à qui me prend. Malheur à qui me frôle, attention si je mens. Et l'amour et la mort se mêlent, Sonia d'or. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré. L'été, été nu sur la plage. Et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré. À côté, tout paraît si calme. On peut dire que c'est l'été qui berce sa palme. On peut dire que c'est l'enfer qui te déshabille. Et la honte qui te sert. Dans la rue, juste à côté, une femme pleure. Les yeux creux, le dos courbé, une femme a peur. Un enfant au regard vide va rasant les murs. Il ne joue pas, il se ride. De l'autre côté de la rue, des nombres appellent, hors de portée de vue. Il y a ce mystère. Plus le soleil est dur, plus l'ombre est noire. De l'autre côté du mur, le désespoir. Dans la rue, juste à côté, un drame quotidien. Le silence est bien plombé. On parle de rien. Je sens bien que tout se sait, même le pire. Dans le silence emmuré, dans la rue, juste à côté, je veux que t'y penses. Y a une femme au dos courbé, dans l'indifférence. Elle ne dit rien, elle a peur. Juste au bord du vide, et son fils attend son heure. De l'autre côté de la rue, des nombres appellent, hors de portée de vue. Il y a ce mystère. Plus le soleil est dur, plus l'ombre est noire. De l'autre côté du mur, le désespoir. Et on termine avec Bernard Lavilliers, avec Le Voyageur. À moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Voir passer les caravanes, mélanger l'encre et le sang, écouter près des chamans les origines du temps. À moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Dans le langage tambour, il y a des dialectes inconnus pour dessiner les contours d'une cité disparue. À moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Faut chercher dans les racines le goût subtil des fruits, et même dans les usines, la mécanique des mélodies. qu'aient fait les voyages. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Alors jouons sur la rime entre le fleuve et la mer. Un voyageur anonyme m'attendra pour prendre un verre. Trafiquant de métaphores, insurgé de l'univers, passager du mal d'aurore entre la mort et la mer. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Pas moi qui ai fait les voyages. C'est les voyages qui m'ont fait entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Reprendre tout de suite avec Christian Vidal, les yeux de Marie et Melinda. Les yeux de Marie, je suis tombé la dernière pluie devant les yeux de Marie. Et comme un idiot, je suis resté planté là sous les yeux de Marie. Marie, si belle et si jolie, j'aurais pu l'emmener faire une balade en voiture ou à pied, ou l'emmener en bateau dans un petit bistrot. J'aurais pu aussi bien la prendre gentiment par la main, lui dire on pourrait faire des projets. J'aurais pu, oui, mais les yeux de Marie, je suis tombé de la dernière pluie devant les yeux de Marie. Et comme un idiot, je suis resté planté là sous les yeux de Marie. Marie, si belle et si jolie, j'aurais pu l'emmener prendre un verre ou voir le film de l'année. Et puis après, le cinéma l'a ramené chez moi. J'aurais pu lui dire tiens, si on prenait l'avion pour Pékin, si on se mariait, ça nous changerait. J'aurais pu, oui, mais les yeux de Marie, je suis tombé de la dernière pluie devant les yeux de Marie. Et comme un idiot, je suis resté planté là sous les yeux de Marie. Marie, si belle et si jolie. Je suis tombé de la dernière pluie devant les yeux de Marie. Et comme un idiot, je suis resté planté là sous les yeux de Marie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Écoute chanter les oiseaux, ne pleure plus, Mélinda. Ouvre ta fenêtre, il fait beau, même si l'amour n'est plus là. Laisse un peu dormir ton chagrin, ne pleure plus, Mélinda. On en reparlera demain. Ce soir je t'emmène avec moi. Comme si tu m'aimais, comme si c'était vrai. On va prendre un verre ensemble si tu veux, comme deux amoureux. Comme si tu m'aimais, comme si c'était vrai. Et peut-être, oui, peut-être un jour viendra où tu m'aimeras. On ne vit pas de souvenirs, ne pleure plus, Mélinda. Laisse le passé s'endormir, un autre amour t'attend déjà. Comme si tu m'aimais, comme si c'était vrai. On va prendre un verre ensemble si tu veux, comme deux amours. Comme si tu m'aimais, comme si c'était vrai. Et peut-être, oui, peut-être un jour viendra où tu m'aimeras. Comme si tu m'aimais, comme si c'était vrai. Une petite sérénade. Allez, on est parti pour une petite sérénade. Christian Vidal. Et si tu savais combien je t'aime. Ah, si tu savais. Je t'aime. Oui.